She finesse, I fight books, she take that. Putting overtime on your body. Skyrock. Emily Sunday next to me. Sadek. Tes yeux, je vois personne à ma hauteur. Tu braques mes sentiments, je fais séquestrer ton cœur. C'est devenu mon QG, notre avenir est scellé. Tes copines peuvent me juger, je suis coupable de t'aimer. Tu sais, quand t'es pas là, j'entends le son de ta voix. Parfois, je souris bêtement en pensant à toi. J'aime ta fierté, ta franchise, ton côté subtil. Tu m'as montré que Cupid ont été incorruptibles. Je serai toujours près de toi. La bouche, tu sais que toi et moi on s'entend, tu sais que toi et moi on se comprend, tu sais que pour toi j'ai posé les armes, partage mes joies, partage mes larmes, ne doute pas. Je t'ai jamais menti, enfin si un peu, je rentre dans ta vie comme une comète, je te laisse pas le temps de faire un vœu, je veux qu'on construise à deux. Forteresse imprenable, je veux que tu me tiennes la main. Le jour où mon cœur me lâche, avec toi je déconne, je suis désabusé. Et dans les étoiles, j'écris nos noms avec une fusée. Et chaque jour, je contemple ta beauté. J'ai plus les pieds sur terre quand je suis à tes côtés. Next to me, ooh, next to me. Avec Sadek, on écoutait Next to Me à l'instant sur Skyrock. Il est 6h01. Bonjour tout le monde, bienvenue, bonne matinée, bon réveil. En ce jeudi, on est le 4 août là aujourd'hui. C'est le Morning Rap R&B qui débute là dans un instant. Avec plein de sons à s'écouter, avec des cadeaux aussi, la roulette qui va tourner. Et un point sur l'actu, le sport, la météo tout de suite avec Jules. Salut Jules. Salut Mehdi, salut tout le monde. Bien réveillé. Ouais, nickel. Bien dormi. Ouais, bon, très bien. Super, en pleine forme donc. Ouais. Pour l'actu, on commence par le temps. Ça dit quoi Jules? Eh ben c'est mitigé ce matin, du soleil sur le sud-ouest et le nord-est ainsi que sur la Bretagne pour le reste du pays. On a de la pluie cet après-midi. Cette précipitation va s'installer aussi sur le nord-est. Attention aux averses orageuses sur la Bretagne et l'Auvergne. Les températures ce matin vont de 16 à 28 degrés, 18 à Lille, Brest et Nantes, 20 à Bordeaux, 24 à Strasbourg et Lyon et 27 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 17 à 34 degrés, 19 à Rennes et Nancy, 20 à Lens, 22 à Paris, 24 à Toulouse, 26 à Nice et 34 à Nîmes. Côté pollution ce matin, ça va, des indices entre 3 et 5, 3 à Orléans, 4 à Dijon et 5 à Perpignan. On écoute Drake avec One Dance juste après un point sur la actuel 6h02. Adèle Kermiche influencée en prison, c'est ce qui se serait passé pour l'un des deux tueurs du père Hamel. Pendant ses 10 mois de détention, 3 détenus différents se succèdent dans sa cellule, tous incarcérés pour terrorisme. Dans ses messages, Adèle Kermiche désigne l'un d'eux comme son guide. Alors est-ce que l'un d'eux l'a poussé à l'acte? Les enquêteurs tentent de comprendre. L'église Sainte Rita évacuée. Après des années, l'église du 15e arrondissement de Paris, qui devait être démolie pour un projet immobilier, était occupée illégalement par des opposants à cette destruction. Hier, derrière. Elle a donc été vidée par la police. Un mort dans une attaque au couteau à Londres hier soir. Une femme est morte et 5 autres personnes sont blessées. Attaque à l'arme blanche à Russell Square, un parc du centre de la capitale anglaise. Une porte-parole de la police locale a déclaré que le terrorisme est l'une des possibilités explorées. À ce stade, aucune confirmation. François Hollande à Rio pour soutenir la candidature de Paris. Le chef de l'État doit atterrir ce matin au Brésil. Il restera sur place jusqu'à la cérémonie d'ouverture des JO de demain soir. Un déplacement pour encourager les athlètes français, mais surtout pour promouvoir la candidature de Paris aux JO de 2024. Le tourisme en baisse en juillet en France. Les touristes étrangers sont moins nombreux. La clientèle étrangère a diminué de 8%. La baisse touche davantage la région parisienne et la Côte d'Azur frappée par les attentats. La France était en 2015 la première destination mondiale avec 85 millions de touristes étrangers. On termine avec du sport. Une entame parfaite. Les Jeux Olympiques ont commencé cette nuit pour l'équipe de France féminine de foot. Les Bleus s'imposent 4-0 face à la Colombie. Prochain rendez-vous samedi pour le choc face aux États-Unis. Monaco se qualifie pour les barrages de la Ligue des Champions. Les Monégasques se sont imposés 3-1 contre Fenerbahçe hier au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Des buts signés Falcao et un doublé de Valère Germain. L'adversaire des barrages sera connu demain à midi. Possible adversaire de Monaco, le Manchester City de Guardiola, le FC Porto, Villarreal, l'Ajax Amsterdam ou encore le Borussia Mönchengladbach. Ouf. Ça va être compliqué. C'est pas le Fenerbahçe là. Non, pas du tout. Un peu plus compliqué, mais en même temps, c'est ça quoi. C'est, ouais, quand tu passes un tour. C'est ça. Bon, tu reviens tout à l'heure, Jules. Ouais, à toutes. Allez. Bonne journée, bienvenue, c'est parti pour le Morning Rap R&B sur Skyrock avec La Roulette. Je vous en parlais là tout à l'heure, ça va tourner dans l'émission avec la compile Planète Rap 2016 à gagner et l'enceinte Monster Back Float, hein, c'est l'enceinte flottante qui vaut 200 € qu'on vous file là toute cette semaine dans La Roulette. Et puis du son à écouter avec Jules dans un instant. Mon bijou qui arrive et Drake tout de suite. Voici One Dance, il est 6h04. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Cause if you're down. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Rap et R&B. Rap et R&B non-stop. Y'a des briques qui courent, y'a des têtes qui tournent. Faut que je te dise tout.

MHD, le nouveau SCH, Tips Harmony, Designer, Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 720 et gagne ta nouvelle compil Planet Rap 2016. Avec en plus ton enceinte Bluetooth Monster Backflow, 65 centimes plus coup d'un SMS. Planet Rap 2016, la compil officielle pour un été premier sur le rap. Le morning rap et R&B. 6h-9h sur Skyrock. Avec ce que j'ai dans la tête, je pourrais écrire 10 romans. Moi, ma famille, je les aime, tu sais même pas comment. Et quand j'arrête le pilon, je reçois toujours des demandes. Pour ça, je reprends les commandes. À l'hôtel, j'enlève son collant. Lendemain, à bord, c'est la devient collant. J'irai là où y'a des ou ça fait. Vu qu'on consomme sur le détail, bah y'a de la paix. Les hommes demandent si ça paie. Les bonhommes demandent si ça va. Bande de tapettes, on sait très bien que derrière ça pète. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. Dès le matin. Morning, morning. The morning. Le morning rap et R&B. 6h-9h sur Skyrock. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. When you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you. So just dance, dance, dance. pushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Been so phenomenally, you're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Skyrock, Hip-Hop, Skyrock, Hip-Hop and R&B, chronique sur le rap. I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting no licks in the van, legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets, legacies, family, way and see, family, pockets full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted, then they pull up your bandit, killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacy, family, way see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hammers, legacy, family, way see, family, package full, Danny, selling ball, candy, may not the macho like Randy, the chopper go out to for granted, then they pull up your bandit, hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted up lean and shoot, sipping fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let designer, over to Lattice shoot. They be acting rats, I know we clapping shoot. I be pulling my stuff in the finest shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black and six, fountain, why is he killing no comma? Pop a perk, I got slime and gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, this count for digits. Say you make you a lot in the money. No killers pull off in the end of baby. CTD pull off in the killer baby. Call a filler, feel like gon' fill it, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trinning. Chop the dawn, doing business. In the brave, doing the fool, and I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas you bleeding. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, way and see, panda. Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then they pull up your bandit. Killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, way see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, way see, panda. Package full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then they can pull up your band. Hope you killers understand me. Panda. Panda. Il s'appelle Designer, on va l'écouter avec Panda sur Skyrock. Il est 6h32, allez vite, on fait un point sur l'actu là tout de suite avec Jules. Salut Jules. Salut Mehdi, salut à tous. Et avant l'actu, un point sur le temps, la météo de ce jeudi, on est le 4 août. Et bah c'est sans plus, ce matin on a du soleil sur le sud-ouest ainsi qu'en Bretagne, mais pour le reste du pays c'est la pluie qui s'est installée cet après-midi. Pas de grand changement, mais attention aux orages, vigilance orange pour 6 départements, l'Ardèche, la Drôme, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. Les températures ce matin vont de 16 à 28 degrés, 18 à Lille, Caen et Bayonne, 20 à Biarritz, 24 à Nancy et Lyon et 27 à Montpellier. Cet après-midi, elles vont de 17 à 34 degrés, 19 à Nantes et Dijon, 20 à Roubaix, 22 à Paris, 24 à Toulouse, 26 à Cannes et 32 à Marseille. Côté pollution, ce matin, ça va, des indices entre 3 et 5, 3 à Auxerre, 4 à Limoges et 5 à Narbonne. SCH avec Allo Maman, c'est écouté juste après l'actu, les 6h32. Un acte influencé par la prison. Adel Kemich, l'un des tueurs du père Hamel, est-il passé à l'acte à cause de sa détention? Pendant ses 10 mois d'incarcération, 3 détenus se succèdent dans sa cellule, tous incarcérés pour terrorisme. Dans ses messages, Adel Kemich désigne l'un d'eux comme son guide. Alors est-ce que l'un d'eux l'a poussé à faire cet assassinat? Les enquêteurs tentent de comprendre, un passage qui relance le débat sur les unités de déradicalisation en milieu carcéral. L'église Sainte Rita évacuée, la bataille judiciaire dure depuis 4 ans. L'église du 15e arrondissement de Paris qui devait être démolie pour un projet immobilier était occupée illégalement par des opposants à cette destruction. Hier, elle a donc été vidée par la police. Une attaque au couteau à Londres fait un mort. Hier soir, une femme est morte et 5 autres personnes sont blessées. Une attaque à l'arme blanche à Russell Square, un parc du centre de la capitale anglaise. La piste terroriste est étudiée. L'auteur de l'attaque souffrirait de problèmes mentaux. Il a pu être arrêté. L'aéroport de Dubaï à nouveau opérationnel. Hier, un avion de la compagnie Emirates a pris feu lors de son atterrissage. Tous les passagers ont pu être évacués à temps. Les causes de l'incident ne sont pas connues. Soutenir la candidature de Paris au JO 2024, principale raison de la venue de François Hollande au Brésil aujourd'hui. Le chef de l'État doit atterrir ce matin. Il restera sur place jusqu'à la cérémonie d'ouverture des JO demain soir. Un déplacement aussi pour encourager les athlètes français. On termine avec du sport. 4-0, parfaite entame des Jeux Olympiques cette nuit pour l'équipe de France féminine de foot qui s'est imposée contre la Colombie. Prochain rendez-vous à samedi pour le choc face aux États-Unis. Monaco se qualifie pour les barrages de la Ligue des Champions. Les Monégasques avaient perdu 2-1 en Turquie à l'aller. Hier, ils se sont imposés 3-1 contre Fenerbahçe au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Des buts signés Falcao et un doublé de Valère Germain. Bravo Monaco, et on attend donc c'est quand? On sait le prochain? Demain à midi le tirage au sort. Ok. Ouais. Très bien, merci Jules. À tout à l'heure donc, vers 7h. Et là, il est 6h34 sur Skyrock. Bon jeudi, Rap R&B dès le matin et toute la journée avec le Morning Rap R&B pour vous accompagner dans la demi-heure qui arrive. Il y a l'horoscope de l'amour et puis du son. Là, on y va maintenant avec Alicia Keys, petit classique qui arrive dans quelques minutes. No One, mais juste avant SCH. Voici Allô Maman. J'aurais pas trop l'âme, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la faute à la télé. J'pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi, j'serai partout, tant tu m'attendras du rimel sous les cils. Nos photos portraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. J'reviendrai, tu seras distante, mais j'sais toujours te faire rire. J'saurais toujours te faire crier, j'saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, t'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. J'serai ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, j'reçois que des éloges, mais j'dois t'affranchir. J'parle à la faucheuse, la nuit j'me réveille en nage. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là j'suis partout, tant tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir. Te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô, maman. Ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, j'me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. Ouais maman, ça va. Je te rappelle après. Plein de travail. Pardon. 6h-9h sur Skyrock. Rap. And R&B. R&B. Le morning rap et R&B. I just want

is Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. For Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. Qui met la pêche là, dès le matin, dès le réveil, Shakira sur Skyrock avec Waka Waka. Il est 7h tout pile, on va écouter dans un instant le son de Pitbull. Ça aussi ça met la pêche là. Si vous êtes un peu la gueule dans le cul ce matin, on va vous accompagner, on va vous réveiller avec Green Light, Pitbull avec Florida. Juste avant, on va faire un point sur l'actu. On est jeudi aujourd'hui, jeudi 4 août, et Jules est de retour. Eh ouais. Salut Jules. Salut Mehdi, salut tout le monde. Allez, on commence par le temps avant l'actu. Une France pas super. Non, une France mitigée. Ce matin, on a du soleil sur le sud-ouest, pareil en Bretagne, mais pour le reste du pays, c'est gris avec de la pluie qui s'est installée. Cet après-midi, toujours de la grisaille qui se déplacera sur le nord-est. Attention aux orages, vigilance orange pour 6 départements, l'Ardèche, la Drôme, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. Les températures ce matin vont de 16 à 28 degrés, 18 à Lille, Lorient et Bordeaux, 20 à Pau, 24 à Nancy et Lyon et 27 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 17 à 34 degrés, 19 à Nantes, 20 à Mulhouse, 22 à Paris, 24 à Toulouse, 26 à Nice et 33 à Avignon. Côté pollution ce matin, ça va, des indices entre 3 et 5, 3 à Reims, 4 à Grenoble et 5 à Cannes. 7h pile, Pitbull arrive juste après l'actu. Une attaque au couteau à Londres fait un mort. Hier soir, une femme est morte et 5 autres personnes sont blessées. Une attaque à l'arme blanche dans un parc du centre de la capitale anglaise. La piste terroriste n'est pas écartée. L'auteur de l'attaque souffrirait de problèmes mentaux. Il a été arrêté. Adèle Kermiche influencé en prison. L'un des deux tueurs du père Hamel est-il passé à l'acte à cause de sa détention? Pendant ses 10 mois d'incarcération, 3 détenus se succèdent dans sa cellule, tous incarcérés pour terrorisme. Dans ses messages, le tueur désigne l'un d'eux comme son guide. Un passage qui relance le débat sur les unités de déradicalisation en prison. L'église Sainte Rita évacuée, une bataille judiciaire qui dure depuis 4 ans. L'église du 15e arrondissement de Paris qui devait être démolie pour un projet immobilier. Elle était occupée illégalement par des opposants à cette destruction. Hier, elle a donc été vidée par la police. Toujours dans le 15e arrondissement de Paris, un incendie a ravagé un appartement hier dans la capitale. Une explosion a détruit toutes les fenêtres avant de provoquer le feu. Une personne est morte dans l'incendie. Un pompier a été légèrement blessé. François Hollande à Rio pour soutenir la candidature de Paris. Le chef de l'État doit atterrir ce matin au Brésil. Il restera sur place jusqu'à la cérémonie d'ouverture de demain soir. Un déplacement pour encourager les athlètes français, mais surtout pour promouvoir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Le tourisme en baisse en juillet en France. Les touristes étrangers sont moins nombreux. La clientèle étrangère a diminué de 8%. La baisse touche davantage la région parisienne et la Côte d'Azur frappée par les attentats. La France était en 2015 la première destination mondiale avec 85 000

Il est 7h16 et c'est Maître Gims qu'on va écouter avec Ma Beauté sur Skyrock. Tiens, Rihanna. La voilà. Avec Calvin Harris. This is what you came for. Allez, bonne matinée, bon réveil. C'est le Morning Rap R&B pour vous accompagner sur Skyrock. On est jeudi 4 août aujourd'hui. Alonso. Elle va te dépouiller, ça y est. Nouvel album disponible en concert au Dôme de Marseille le 26 novembre. Alors c'est cool d'habiter seul ? Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés lits. En ce moment, le canapé convertible L'XL et Murboransta est à 229€ au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détails sur IKEA.fr. IKEA. Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Que je l'emmène en bas afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bade. Mais c'était pas la white widow. J'ai

connection with you. Et plein de nouveaux sons pour vous accompagner tous les matins, toute la journée sur Skyrock avec Major Lazer, Justin Bieber. On vient d'écouter Cold Water. Il est 7h28, bon jeudi. On est le 4 août là aujourd'hui. On va faire un point sur l'actu tout de suite avec Jules. Et retour du son juste après. Salut Jules. Salut Mehdi, salut tout le monde. Alors, un point sur le temps, la météo, on t'écoute. Bah moyen ce matin, hein, du soleil sur le sud-ouest. Mais pour le reste de la France, c'est gris avec de la pluie qui s'est installée. Cet après-midi, toujours de la grisaille qui va se déplacer sur le nord-est. Attention aux orages, vigilance orange pour 6 départements, l'Ardèche, la Drôme, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. Les températures ce matin vont de 16 à 28 degrés, 18 à Lille, Rennes et Bordeaux, 20 à Agen, 24 à Nancy et Grenoble et 27 à Montpellier. Cet après-midi, elles vont de 17 à 34 degrés, 19 à Lille, 20 à Strasbourg, 22 en région parisienne, 24 à Toulouse, 26 à Cannes et 33 à Marseille. Côté pollution ce matin, c'est pas trop mal, des indices entre 3 et 5, 3 à Rouen, 4 au Havre et 5 à Nice. On écoute Black M avec oula, j'ai un trou de mémoire, avec je suis chez moi, oula. Vous vous réveillez ? Nous aussi. Je suis chez moi, Black M, c'est juste après l'actu, on y va. Attaque au couteau à Londres hier soir, une femme est morte et 5 autres personnes sont blessées. Un jeune homme de 19 ans a attaqué des passants à l'arme blanche dans un parc de la capitale anglaise. L'auteur de l'attaque a été arrêté et souffrirait de problèmes mentaux. La piste terroriste n'est pas écartée. L'un des deux tueurs du père Hamel est-il passé à l'acte à cause de sa détention ? Adel Kermiche, incarcéré pendant 10 mois. Dans ses messages, il désigne l'un de ses co-détenus comme son guide. Un passage qui relance le débat sur les unités de déradicalisation en prison. Soutenir la candidature de Paris au JO 2024, principale raison de la venue de François Hollande à Rio aujourd'hui. Le chef de l'État doit atterrir ce matin au Brésil. Il restera sur place jusqu'à demain. Un déplacement aussi pour soutenir les athlètes français pour les Jeux Olympiques. Les voitures sans conducteur vont être expérimentées sur les routes françaises. C'est officiel. Les voitures autonomes vont être testées en France. Le Conseil des ministres a donné son feu vert à leur circulation sur les voies publiques hier. On pourra donc bientôt rouler légalement sans les mains. Si vous jouez à Pokémon Go, que vous vous pensez fort, sachez qu'un Français a réussi à attraper tous les Pokémon. Il a capturé les 145 dispo sur l'application. Il dit avoir joué jour et nuit, à pied, en vélo et même en voiture pour aller à certains endroits. On termine avec du sport. 4-0, parfaite entame des Jeux Olympiques cette nuit pour l'équipe de France féminine de foot. Les Bleus s'imposent 4-0 face à la Colombie. Prochain rendez-vous samedi pour le choc face aux États-Unis. Monaco se qualifie aussi, mais cette fois pour les barrages de la Ligue des Champions. Les Monégasques avaient perdu 2-1 en Turquie. À l'aller. Hier, ils se sont imposés 3-1 contre Fenerbahçe au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Des buts signés Falcao et un doublé de Valère Germain. Possible adversaire des Monégasques, Manchester City. Et on le saura donc demain, a priori. C'est ça, à midi. A tout à l'heure, à Jules. 7h30 tout pile sur Skyrock. Allez, bonne matinée, bon réveil avec le son qui continue. Omi, tiens, on vous a ressorti un petit classique du printemps dernier. Omi, avec Cheerleader. Il y a Jules qui se prépare aussi avec Mon Bijou. Et Black M tout de suite, je suis chez moi. Me regarde à travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi, mais mon papa lui pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle, mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Il va

Version Skyrock, c'était Omi avec Cheerleader sur Skyrock. Il est 7h37, il y a Jules qui débarque bientôt là pour vous accompagner, pour vous réveiller. Mon bijou. Et dans quelques secondes, l'horoscope de l'amour aussi. Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water. Les Major Lazer invitent Justin Bieber pour nous livrer un nouveau hit planétaire. Major Lazer et Justin Bieber, Cold Water. Casino. Oh là là Fabien, mais qu'est-ce que ça sent bon ? Ça a l'air délicieux. Oui, merci Mélanie. Je fais une tarte aux abricots de chez Casino à 2,46€ le kilo. Quoi ? La tarte ? Non, les abricots. Jusqu'au 7 août, dans votre supermarché Casino, le kilo d'abricots catégorie 1 calibre 45-50 Origine France est à 2,46€ seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. Voir liste des magasins participants sur supercasino.fr. Dans un instant sur Skyrock, on va écouter Jules, mais à 7h38, l'horoscope de l'amour. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Votre puissance amoureuse sur l'échelle de 0 à 5, ça dit quoi pour aujourd'hui, pour ce jeudi 4 août? Ça dit pas bien du tout pour les Verseaux et les Cancers. 0 sur 5 aujourd'hui, toute petite forme, quelques vitamines ne seront pas trop. 1 pour les Taureaux et les Scorpions, trop peu d'amour pour vous satisfaire, j'en ai plus que moyenne. 2 sur 5 pour les Lions et les Poissons, des regards seront tournés vers vous, soyez attentifs. 3 pour les Vierges et les Béliers, vous êtes bien et drôle, élément hyper important qui va plaire à votre partenaire. 4 pour les Capricornes et les Sagittaires, la journée s'annonce très bonne en amour, célibataire ou en couple, vous ferez l'unanimité. Et puis 5 sur 5 aujourd'hui là, de puissance amoureuse pour les Balancer, les Gémeaux. Bon bah c'est vous les plus forts, hein. Super journée, l'amour est partout autour de vous et la chance en plus vous accompagnera. Allez, bonne journée, bon jeudi 4 août aujourd'hui. On écoute le son de Jules, le son du Marseillais. Bah, c'est mon bijou sur Skyrock. Et Designer aussi arrive pour Panda. T'es à moi, tu peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama, coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y'a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand je suis dans ma piscine. T'es mon bijou, je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bijou, oh, oh. Dans mon bijou, oh, oh. T'es mon bijou, je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bijou, oh, oh. Dans mon bijou, oh, oh. T'es mon bijou. Le morning rap et R&B. Wake up. 6h-9h sur Skyrock. she just moved right up the back for me. And she got the hots for me, the finest thing my hood has seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy hitting, and in no time, I better make this with her mind. Cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to me. Looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about that girl. There's no way, hey, now they gon' fight over no day. As you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two-seater. That's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. Before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. Like Randy, the chopper go out to for granted. In the bullet, you bandit. Hope the killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted to lean the van. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, why is it lit like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family, why is it family? pack is full. Danny, set a bow, candy. Main out the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Then they pull up your bandit. Uncle killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted up Nina Street, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let it sign. Whole bunch of lettuce, shoot. They be acting rats, I know we clavish you. I be pulling my stuff in the finest shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black assist, Phantom. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla. They come and kill you with bananas for feelings. I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the panic. Go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas that's counting for digits. Say you make you a lot of new money. No killers, pull up in the end of rape. CTD. Diddy pull off and he kill it, baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I flood the bombs when he spinning the Bobby gon' trend it. Chop the dawn, doing business. In the brave, doing the fooling, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas split it. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies, phantom. Way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hammers. Legacies, phantom. Way and see, panda. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your bandit. Hope you killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the phantom. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, phantom. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, phantom. Why is he panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your bandit. Hope you killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Le son de designer extrait de la compile Planète Rap 2016. C'était Panda et la compile a gagné tout à l'heure. Allez, bon début de journée, c'est jeudi, il est 7h50 et on va écouter Ken Jones là avant 8h du mat avec Don't Mind. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planète Rap 2016. Planète Rap 2016, plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Skyrock, ça fait avec le nouveau Jul. Maître Kim, le nouveau Soprano. C'est Soprano. Jab s'habille plus en Prada. MHD. Le nouveau SCH. Fips Harmony. Designer. Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. Envoie roulette au 720 et gagne ta nouvelle compil Planet Rap 2016. Avec en plus ton enceinte Bluetooth Monster Backflow. 65 centimes plus coût d'un SMS. Planet Rap 2016, la compil officielle pour un été premier sur le rap. Alors c'est cool d'habiter seul? Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés lits. En ce moment, le canapé convertible L'XL Mur Boransta est à 229€ au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détails sur IKEA.fr. IKEA. Drake. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, I'm way too good to you. Drake. Nouvel album Views disponible. Le morning rap R&B. 6h-9h sur Skyrock. Tu la veux, fais le prix.

French. I said, bonjour, madame. Then she said, ça passe. And I said, nah, boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, comment ça? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, ça passe. And I said, nah, boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, comment ça? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, ça passe. And I said, nah, boule. No matter where I go. The morning, le morning, rap and R&B, 6h-9h sur Skyrock. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Ces regards qu'on me lance, désormais je m'en fous. Et j'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens, aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le tour. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Arrête, tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous. Non, je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui j'ai tort, moi je préfère me taire. Ouais au fond, je m'en fous. Compile Planète Rap 2016, la compile que vous allez pouvoir gagner là tout à l'heure avant 9h du mat sur Skyrock avec l'enceinte Monster Backfloat. On va lancer les inscriptions, le coup d'envoi juste après l'actu de ce jeudi 4 août là maintenant avec Jules à 8h01. Salut Jules. Salut Mehdi, salut tout le monde. Et avant l'actu, la météo qui est pas super super. Non, c'est mitigé, hein, du soleil sur le sud-ouest, sur le reste du pays c'est gris avec de la pluie qui s'est installée. Cet après-midi toujours des nuages et de la grisaille qui va se déplacer sur le nord-est. Attention aux orages, vigilance orange pour 6 départements cet après-midi, l'Ardèche, la Drôme, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. Les températures ce matin vont de 16 à 28 degrés, 18 à Lille, Nantes et Bordeaux, 20 à Toulouse, 24 à Metz et Lyon et 27 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 17 à 34 degrés, 19 à Lens, 20 à Strasbourg, 22 à Paris, 24 à Pau, 26 à Nice et 33 à Avignon. Côté pollution ce matin, c'est pas trop mal, des indices entre 3 et 5, 3 au Mans, 4 à La Rochelle et 5 à Cannes. Drake avec Wenden, c'est juste après l'actu maintenant, 8h02. Attaque au couteau à Londres hier soir, une femme est morte et 5 autres personnes sont blessées. Un jeune homme de 19 ans a attaqué des passants à l'arme blanche dans un parc de la capitale anglaise. L'auteur de l'attaque a été arrêté et souffrirait de problèmes mentaux. La piste terroriste n'est pas écartée. La radicalisation en prison de nouveau sur la table. L'un des deux tueurs du père Hamel est-il passé à l'acte à cause de sa détention? Adèle Kermiche était incarcéré pendant 10 mois. Dans ses messages, il désigne l'un de ses co-détenus comme son guide. Un passage qui relance le débat sur les unités de déradicalisation en prison. François Hollande à Rio pour soutenir la candidature de Paris. Le chef de l'État doit atterrir ce matin au Brésil. Il restera sur place jusqu'à demain soir, date de la cérémonie d'ouverture des JO. Un déplacement pour encourager les athlètes français, mais surtout pour promouvoir la candidature candidature de Paris aux JO de 2024. Et puis, toujours au Brésil, une série de vols au village olympique. Téléphones, tablettes et vêtements, les athlètes danois ont été dérobés à Rio. Le chef de mission de la délégation danoise a déclaré que 150 plaintes ont été déposées pour des problèmes dans les 36 appartements qu'elle occupe. Le tourisme en baisse en juillet en France. Après les attentats, les touristes étrangers boudent Paris et la Côte d'Azur. La clientèle étrangère a diminué de 8%. La fréquentation de voyageurs japonais, par exemple, sur la capitale a chuté de 56%. On termine avec du sport. Les Bleus démarrent très très bien. L'équipe de France féminine de foot s'impose 4-0 contre la Colombie pour son entrée en lice dans les Jeux Olympiques de Rio. Prochain match samedi avec le choc face aux États-Unis. Florian Thauvin et Clinton Enji à l'OM aujourd'hui. Margarita Louis-Dreyfus se présente devant la presse au Vélodrome à 11h. Elle devrait présenter le nouvel organigramme du club et annoncer les prêts de Clinton Enji en provenance de Tottenham. Et Florian Thauvin, deux renforts de poids pour l'attaque marseillaise. Et il en faut pour les Marseillais. Et il en faut, exactement. Bon, tu reviens tout à l'heure pour un dernier point, ouais, Jules. À toutes. Vers 8h30, les 8h03 sur Skyrock. Et c'est parti pour les inscriptions, la roulette qui tourne. On vous attend là par SMS. Vous envoyez roulette au 7-20-20. Roulette donc par SMS au 7-20-20. Avec la compil Planet Rap 2016 à gagner. Et puis l'enceinte aussi Monster Backfloat qui va dans l'eau. Enceinte qui vaut 200€, qui est bien chère, mais qui est bien belle. Et qui est bien utile. On vous la file là. Donc dès maintenant, 7-20-20, vous envoyez roulette. Et il y en a un de vous qui sera sélectionné pour faire tourner la roulette. Drake, on l'écoute tout de suite. Voici One Dance. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Nouveau, nouveauté, nouveau son. Nouveauté Skyrock. Hey, hey. Sur chaque canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ouvert. On est foncé dans la ville à deux trois heures. Compte même plus les bitches qu'on a.

pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est, crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai, je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laissez parler, vas-y, laissez faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange. Ceux qui passent sur mon dos. Nous on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange. Ceux qui passent sur mon dos. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. Oh Dieu, nos promesses, nos paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va, d'où on vient? Où on va, d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Ceux qui passent sur nos dos. Nous, on marche à la parole. Marche à la parole. Nous marche à la parole. On en a rien à foutre. Vous écoutez Skyrock, il est 8h15 et le son de Vita avec Jul sur la compile Planète Rap 2016. Qui veut la compile? Qui veut l'enceinte? Monster Backfloat, c'est à gagner là depuis 8h du mat. Vous pouvez vous inscrire au 72020 par SMS. Suffit d'envoyer roulette. Ensuite, on va faire un petit tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, vous passez en direct tout à l'heure pour dire stop, arrêter la roulette et pour repartir donc avec l'enceinte Monster Backfloat et la compile. Sur la compile, il y a aussi Harry Poster. Aïe, tout que Pelini Biza. C'est le prochain son qui arrive dans le Morning Rap R&B. Il est 8h16. Bon jeudi et Soprano aussi se prépare dans un instant son nouveau son qui s'appelle En Feu. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis ébahi. Ébahi ? Ébahi par qui ? Bah par Lidl patron. Ébahi par leur bière d'abbaye. 1,89€ la blonde fruitée en bouteille de 75 centilitres. Et c'est leur bière du mois. Elle est dispo en ce moment. Une bière blonde d'abbaye à moins de 2€ les 75 centilitres ? Ah, c'est la bière Ezina. En plus patron, elle est brassée traditionnellement. Et nous on rame hein. Ah, très drôle patron. Mais quand même, on est mal hein, très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,52€ le litre, 6,5 degrés. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons arriver dans quelques instants sur votre lieu de vacances. Pour votre confort et votre sécurité, merci de rester sur l'application Yax et de continuer à délirer. Je répète, pour votre confort, restez sur l'application Yax et continuez à délirer. Toute l'équipe de Sautrin et le peuple de Yax vous souhaite d'agréables vacances. Yax, YAX. Géant, pour un été léger, votre Géant fait fondre les prix. Plus que 3 jours pour profiter de 50% de remise en bon d'achat sur le PC portable Acer 15,6 pouces noir à 289€, soit un bon d'achat de 144,50€. Bon d'achat valable du 8 au 15 août inclus, dans la limite des stocks. Les prix bas, c'est Géant. Alors c'est cool d'habiter seul ? Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac, c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés-lits. En ce moment, le canapé convertible L'XLE Murboransta est à 229€ au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détails sur IKEA.fr. IKEA ! Leader Price. 1,99€ les 2 kilos de melon. C'est pas possible. Mais si, c'est possible. Super Leader est là avec ses choix malins. Et chez Leader Price, les melons Origine France sont à 1,99€ le plateau de 2 kilos. Pas un centime de plus. Merci Super Leader. Du 4 au 7 août, dans votre magasin Leader Price, le plateau de 2 kilos de melon baby type Charentais jaune catégorie 1 Origine France est à 1,99€, soit 1€ le kilo seulement. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Liste des magasins participants sur leaderprice.fr. Tu veux rencontrer la fille de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des nanas qui te plaisent près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Casino.

Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling sur Skyrock. Il est 8h31, c'est l'heure de l'actu tout de suite de ce jeudi. On est le 4 août avec Jules. Salut Jules. Salut Mehdi, salut tout le monde. Dernier point sur l'actu de ce jeudi matin avant le son qui se prépare, notamment le son de SCH. On commence par la météo. Ouais, ben moyen ce matin la météo. Du soleil sur le sud-ouest, mais pour le reste de la France, c'est gris avec de la pluie qui s'est installée. Cet après-midi, toujours de la grisaille qui va se déplacer sur le nord-est. Attention aux orages, vigilance orange pour 6 départements, l'Ardèche, la Drôme, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. Les températures ce matin vont de 16 à 28 degrés, 18 à Lille, Rennes et Bordeaux, 20 à Agen, 24 à Nancy et Grenoble et 27 à Montpellier. Cet après-midi, elles vont de 17 à 34 degrés, 19 à Lille, 20 à Strasbourg, 22 en région parisienne, 24 à Toulouse, 26 à Cannes et 33 à Marseille. Côté pollution ce matin, c'est pas trop mal, des indices entre 3 et 5, 3 à Rouen, 4 au Havre et 5 à Nice. SCH, à écouter Allô Maman juste après l'actu, 8h31. Attaque au couteau à Londres. Hier soir, une femme est morte et 5 autres personnes sont blessées. Un jeune homme de 19 ans a attaqué des passants à l'arme blanche dans un parc de la capitale anglaise. L'auteur de l'attaque a été arrêté et souffrirait de problèmes mentaux. La piste terroriste n'est pas écartée. L'un des deux tueurs du père Hamel est-il passé à l'acte à cause de sa détention? Adèle Kermiche, incarcéré pendant 10 mois. Dans ses messages, il désigne l'un de ses codétenus comme son guide. Un passage qui relance le débat sur les unités de déradicalisation en prison. Soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024, principale raison de la venue de François Hollande à Rio aujourd'hui. Le chef de l'État doit atterrir ce matin au Brésil. Il restera sur place jusqu'à demain. Un déplacement aussi pour soutenir les athlètes français pour les Jeux Olympiques. Les suites de la mort d'Adama Traoré, des rapports de services d'urgence manquent au dossier. Les circonstances de la mort du jeune homme restent floues. Le rapport du SMUR et celui des pompiers ne sont pas dans le dossier. L'avocat assure que ces manquements ont eu des conséquences importantes sur les rapports d'autopsie. Ces derniers se concordent pour dire que la mort est due à une asphyxie et le corps ne porte pas de traces de violence. On termine avec du sport. 4-0, l'équipe de France féminine de football s'impose largement contre la Colombie pour son entrée en lice dans les Jeux Olympiques de Rio. Prochain match samedi avec le choc face aux États-Unis. Monaco, qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, victoire 3-1 contre Fenerbahçe hier, doublé de Valère Germain et un but de Falcao. Tirage au sort demain midi pour connaître l'adversaire, possible adversaire, un dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions. On va y arriver. C'était un tu vas y arriver. Oui, je vais y arriver. Et donc Manchester City qui peut être un des adversaires probables de Monaco, tout comme le Borussia Mönchengladbach. Et comme Anderlecht aussi, et on croise les doigts pour que ce soit Anderlecht. Hein. Oui, on prie pour que ça soit les Belges. Côté supporter monégasque et Falcao qui revient bien hein, d'ailleurs. Hein. Très très bien. Blessé même. Pendant très longtemps et tout. Ouais, mais même hier il s'est blessé malheureusement. Ah, l'adducteur, si, ouais. Ah bon. Et alors, c'est bon, ça dit quoi? On sait et pas ben, trop. On sait pas pour faut l'instant. Passer des examens c'est musculaire, et donc ça devrait être pour quelques semaines, pas plus. Aïe. Ouais, bon quand même. Bon bah petite dédicace en tout cas si vous nous écoutez du côté de Monaco. Si vous êtes supporter de Monaco, tu reviens demain maintenant, Jules. Ouais, à demain. À demain, bye bye. Et bah, bon jeudi à l'écoute de Skyrock avec le son qui continue, la roulette aussi qui tourne. Au 7-20-20, on vous attend, vous envoyez roulette et vous repartez avec la compile Planète Rap et l'enceinte Monster Backfloat. SCH, il est sur la compile. Allô maman. Oh non. Ah ouais. Non, non. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé.

something big enough to tear your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not there when I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I jail watch, and wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can refute, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dip pimp. Classique à l'instant à 8h41. On va écouter Blurred Lines et Drake arrive avec Rihanna dans un instant là avant 9h du mat. Too good sur Skyrock avec l'horoscope aussi. C'est dans un instant. Bon jeudi. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Ah, le pas, patron, j'ai du pot. Ah, ça y est, les recettes Lidl fondent. Pas vraiment. En ce moment, le pot de crème glacée de 500 grammes est à 1,89€ chez Lidl. Et si j'en prends deux, même en mixant les parfums amande, choco, café ou caramel, le deuxième est à 94 centimes. Nom d'un cornet, le deuxième pot à moins 50%, 1,42€ l'unité. Ah, je sais, patron, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Le pot de 500 grammes vendu seul, 1,89€, soit 3,78€ le kilo. Les deux pots, 2,83€. Offre valable jusqu'au mardi 9 août. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pensez bien fort au métier de vos rêves. C'est agréable, n'est-ce pas? Et maintenant, dites-moi ce qui vous empêche de le faire. Votre âge, peut-être? Les enfants qui prennent du temps? Mais du coup, avez-vous pensé au CNED? Avec le CNED, profitez de formations à distance quand vous voulez et où vous voulez. C'est facile. Avec les contenus personnalisés du CNED, concentrez-vous seulement sur le métier que vous voulez. Chaque année, le CNED accompagne plus de 220 000 personnes vers la réussite, en France comme à l'étranger. Une façon de vous dire que vous n'avez pas rêvé? Rendez-vous sur CNED.fr. CNED, connecté à votre avenir. Bon début de journée, bon réveil, bonnes vacances aussi à tous les concernés. 8h42, c'est Skyrock que vous écoutez avec Drake et Rihanna, mais juste avant... L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh oui, votre puissance amoureuse. Sur une échelle de 0 à 5, on en parle tous les matins dans le morning. Rap R&B entre 6h et 9h. Alors ceux qui sont pas bien loin aujourd'hui, c'est les Verseaux et les Cancers. 0 sur 5, toute petite forme, quelques vitamines ne seront pas de trop. 1 pour les Taureaux et les Scorpions. Trop peu d'amour pour vous satisfaire, journée plus que moyenne. 2 pour les Lions et les Poissons. Des regards seront tournés vers vous. Soyez attentifs dans la journée. 3 sur 5 pour les Vierges et les Béliers. Vous êtes bien et drôle, élément très important qui va plaire à votre partenaire. 4 pour les Capricornes et les Sagittaires. La journée s'annonce très bonne en amour, célibataire ou en couple. Vous ferez l'unanimité et 5 sur 5 de puissance amoureuse là aujourd'hui. En ce jeudi 4 août, c'est pour les Balances et les Gémeaux. Super journée, l'amour est partout autour de vous et la chance aussi vous accompagnera. Allez, dans un instant, tiens, si vous êtes chanceux, peut-être si vous êtes Balance ou Gémeaux, il y a la roulette qui va tourner. 7-20-20. Vous envoyez roulette par SMS au 7-20-20 et c'est peut-être vous qui allez faire tourner en direct. Il y a Drake et Rihanna tout de suite, voici Too Good. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah yeah. Yeah. Look, I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night I think I lost my patience. Last night I got high as the expectations. Last night I came to a realization, and I hope you can take it.

just a pick it up, be on my way, cause I'm motivated, dedicated. It's a man revolution, love is the solution. No man can escape evolution, so we have to free our minds if on a mission. Some new event, yeah. C'était Tal sur Skyrock, il est 8h50. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Et ouais, on fait tourner la roulette tout de suite avec Nazardine, c'est ça? Ouais, Nazardine, ouais. Ah, le Nazardine ou Nazardine? Nazardine, ok, d'accord. Comment ça va, Nazardine? Bah écoute, ça va, hein. On vient s'arrêter là, on est en pause. On était en train de collecter ce matin, c'est le feu. En direct de Lyon, allez, on t'écoute pour arrêter la roulette, Nazardine. Avec l'enceinte à gagner la Monster Backfloat, la compile Planet Rap et... C'est gagné pour toi, la compile. Merci beaucoup. Et l'enceinte qui déchire, l'enceinte qui flotte, qu'on t'envoie, Nazardine. Est-ce que tu veux passer un petit message, une dédicace là en Ouais, je veux passer un petit message à tous les gars de Pizzorno qui m'écoutent là, sans exception, à tous les pélos de Lyon, à tous les pélos de Bronterraillon. Une petite dédicace à mon report Maxime et Mike. Ouais. Bon, bah, merci Nazardine et merci pour l'ambiance sur Skyrock. Bon courage là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bah, de rien. C'est pas facile, mais merci beaucoup. On est là pour faire plaisir. Ciao Nazardine, à plus. Merci. Allez, la roulette de retour tout à l'heure entre 9h et midi avec Maxime qui arrive et Major Lazer dans un instant. Leader Price. 1,99€ les 2 kilos de melon. C'est pas possible. Mais si, c'est possible. Super Leader est là avec ses choix malins. Et chez Leader Price, les melons Origine France sont à 1,99€ le plateau de 2 kilos. Pas un centime de plus. Merci, Super Leader. Du 4 au 7 août, dans votre magasin Leader Price, le plateau de 2 kilos de melon baby type Charentais jaune catégorie 1 Origine France est à 1,99€, soit 1€ le kilo seulement. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Liste des magasins participants sur leaderprice.fr. Alors c'est cool d'habiter seul? Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac, c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés-lits. En ce moment, le canapé convertible L'XL Mur Boransta est à 229€ au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détails sur IKEA.fr. IKEA. T'es prêt à prendre la route des vacances, Martin? Je suis au top. Regarde Flash, nouvelle plaquette de frein, nouveau filtre d'habitacle et nouveau filtre à air. Wow. Et j'ai tout commandé sur oshkaro.com. On va déchirer sur la côte, Martin. Comme Flash McQueen et Martin, prenez la route des vacances avec Oscaro. Et en ce moment, pour toute commande sur oscaro.com, gagnez un an de télépéage valable sur toutes les autoroutes de France. Voir conditions sur le site. Oh, les vacances commencent bien. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Oh là là Fabien, mais qu'est-ce que ça sent bon, ça a l'air délicieux. Oui, merci Mélanie, je fais une tarte aux abricots de chez Casino à 2,46€ le kilo. Quoi? La tarte? Non, les abricots. Jusqu'au 7 août, dans votre supermarché Casino, le kilo d'abricots catégorie 1 calibre 45-50 Origine France est à 2,46€ seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. Voir liste des magasins participants sur supercasino.fr. C'est fou. En ce moment, chez But, tes achats sont jusqu'à 200% remboursés. Comment ça? Eh ben, si t'achètes des chaises, ils t'offrent un bon d'achat de 2 fois le montant des chaises. Je vais pas racheter des chaises. Eh ben, tu prendras ce que tu veux. En ce moment, le fauteuil de bureau Star à 39,99€ est remboursé à 200% en bon d'achat chez But. 200%! But, c'est nous. Voir conditions en magasin et sur but.fr. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons arriver dans quelques instants sur votre lieu de vacances. Pour votre confort et votre sécurité, merci de rester sur l'application Yax et de continuer à délirer. Je répète, pour votre confort, restez sur l'application Yax et continuez à délirer. Toute l'équipe de Sautrin et le peuple de Yax vous souhaite d'agréables vacances. Yax, Y-A-X.

R&B. Non-stop. Rap and R&B non-stop. Skyrock. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses fausses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Bribes in Atlanta, just to be in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, they like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. In the bullet, you ban it. Killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted to in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the looks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your family. Hope you

and my bees. Guys dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk in shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. So the darkest of night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up with the quickness, talk with the witnesses, hypnotizer, normalizer, vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please do what we say, that's the way we kick it, yeah, you know I mean? But see the noisy cricket get wicked on you. We're your first, last and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us, if you ever get near us, don't jeer us, we're fearless. Send my bees freezing up all the flag. What that stand for? Men in black. The men in black. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. Tell you this in closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. C'est un bel été sur Skyrock, premier sur le rap, premier sur les classiques entre 9h et midi avec Will Smith. C'était Men in Black, la bande originale du film. Découvert sur Skyrock à l'instant. Ken Jones arrive, il vient de Floride. C'est Don't Mind. À suivre sur Skyrock, le son de Ken Jones, Don't Mind, Alonso des Psychiatres de la Rime. Pour Binta et Calvin Harris, Rihanna, This is What You Came For sur Skyrock. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Casino. Oh là là Fabien, mais qu'est-ce que ça sent bon, ça a l'air délicieux. Oui, merci Mélanie, je fais une tarte aux abricots de chez Casino à 2,46€ le kilo. Quoi? La tarte? Non, les abricots. Jusqu'au 7 août, dans votre supermarché Casino, le kilo d'abricots catégorie 1 calibre 45-50 Origine France est à 2,46€ seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. Voir liste des magasins participants sur supercasino.fr. Vous les rois de la perche et goût centrés, les champions des poses faussement naturelles, les maîtres du sourire négligé, vous, les génies du selfie. Mais continuez comme ça. Sérieusement, ça peut vous sauver la vie. Se prendre en photo est l'une des meilleures façons de repérer l'apparition d'un mélanome. En collaboration avec l'Institut Gustave Roussy et le collectif Ensemble contre le mélanome, l'application iSkin vous aide à surveiller l'évolution de vos grains de beauté pour faciliter votre suivi dermatologique. iSkin n'établit pas de diagnostic et ne remplace pas l'avis d'un dermatologue. Disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store. T'es prêt à prendre la route des vacances, Martin ? Je suis au top ! Regarde Flash, nouvelle plaquette de frein, nouveau filtre d'habitacle et nouveau filtre à air ! Waouh ! Et j'ai tout commencé !

way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on Subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death, I'm loving those show toes. Walking that walk, talk that slick talk. Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't fuck with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapina, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Yeah. Before he speak, his suit be spoke. What? And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. What? And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat ass. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the pips at the Gladys. And I know they love it. So they hit with all that rubbish. Would you be my lover? Could you be mine? Would you be my? Zidane face à l'équipe du Brésil. J'suis en feu. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'suis en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir j'suis le reste de la vie. J'suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. J'suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. J'suis en feu. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. J'suis en feu. Le DJ me fait une passe et boum dans la lucarne. J'suis en feu. Sors de la piste, je te fais une grande écart de bandage. J'suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. J'suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. J'suis en feu. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. J'suis en feu. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. J'suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. J'suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. J'suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. J'suis en feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. J'suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. J'ai l'impression de planer, regarder d'un hublot. Si tu me croises, rien ne peut. Si tu me parles, rien ne peut. Si tu me touches, rien ne peut. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Ça sent le brûlé, ça sent, ça sent le brûlé. Appelle les pompiers, je suis chaud. Ça sent le brûlé, ça ce soir je suis en feu. Non-stop. Skyrock. I ain't worried about nothing. I ain't wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't say. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand.